Hoca, MK, Mister You, la crème, t'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. Une fois qu'on ramasse, on prend ta part en carto. Chez nous, y'a des calibrés, des mestrines un peu partout. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. On parle tout ça. Des choses qui nous concernent, si on est propre talent, c'est grâce à l'argent moins sain. Je suis de la ville des damnés, de la rue des condamnés, que les tas ont blâmé, et le braqueur de l'année. Je suis dans la jungle des abribus, le cash divise le peuple, et si on vidait les comptes de Ted Lapidus. Mes espoirs ont pris feu, j'ai des amis qui me manquent comme un billet de 500 E. Pour un mec qui fait la manche, au moins qu'on voit militaire, mais pas des casques bleus. Dans ton boule, on passe la carte bleue, c'est les années folles. Je te braque avec mes pieds de sol, je fais un raf et je fais le tour du globe. J'apprends et je donne comme la foudre, je tape le sol. Je quitte le bloc, je prends le large comme un missile sol-sol. On arrache le sol, si plus rien, on pleura. C'est un fusil mitrailleur russe au Libéria, on démarre de rien. Ça c'est le son de nos poches, j'avais déjà rien pour runner la coste. J'ai encore moins pour l'hôtel Coste. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. Une fois qu'on ramasse, on prend ta part en carto. Chez nous y'a des calibrés, des mestrines un peu partout. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. On parle tout ça, des choses qui nous concernent. Si on est propre talent, c'est grâce à l'argent moins sain. Comme dit les refrains, you ben plancher pour un 10 grammes. Alors les fans, moi difficile, ça Louis les mardi gras. Ouais, le 9-4 et l'oseille, c'est le miel et les abeilles. Pour que ça paye, faut le même mode opératoire que François Blesse. Nous sommes discrets, mais là il finit par nous éclater. Suffit d'une semaine dans les îles pour qu'ils croient tous que t'es blindé. Non, t'as fait pour 1000 euros, l'état qu'il a niqué sa race. On préfère tous à l'enrêve d'homme et charger Céline et Sarah. Sérieux, dis-moi la date des sous à qui l'enlèvera-tu. Avec 50 transacts, t'as une baraque et putain belle voiture. Certains font des erreurs, y'a la pression qui les perturbe. Comme les cons qui crament leur tête dans une banque comme sol ouverture. Demande à Nassim, on ne peut pas faire une journée sans shit. Ouais, c'est comme passer la bague au doigt dans un club échangiste. Cousin, renseigne-toi bien, sans que t'arrives de la carotte. Et ouais, y'a des corps inertes qui sortent sur les rives de la Garonne. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. Une fois qu'on ramasse, on prend ta part en carto. Chez nous y'a des calibrés, des mestrines un peu partout. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. On parle tout ça, des choses qui nous concernent. Si on est propre talent, c'est grâce à l'argent moins sain. T'es reçu comme un chien aux arrivants, les bâtards t'examinent. Sans être chrétien, tu mets une croix sur la plupart de tes amis. Au bout de quelques jours, tu réalises que la galère se banalise. Y'a plus pérable, rebelote, sa mère, la police. Rime qu'à la crime, l'instru, faut qu'on la grippe, faut qu'on lui crosse sa mère. Et but de bastos, faut qu'on la crime, représente la street. Les mecs bloqués par la matrix, donnent leurs 6 heures de permis, font l'alerte, tour par une Maastricht. Niquez pas plus, postiché sur un canapé. Là, j'ai besoin de rhum, ouais, non, je vous parle pas des sans-papiers. Mon rap c'est la guerre, en featuring avec la paix. Calibré sur le ring, histoire de fermer tous les clapets. Nous sont passés les grossistes qui avant-hier jouaient les chromas. Ben son béton, ils ont pris 10 piges, miskin la juge les a traumates. Souvent la merde, 700 fois plus que des scato. On passe les rings grenadiers, t'ouvres la promenade comme un cadeau. Ils ont besoin d'espace, autant qu'ils ont besoin d'espèces. De classes et de grosses liasses, souvent traités de sale espèce. Mais sans pointe les couilles, t'as ouais, sans pointe les coronettes. Ils conservent toute leur haine, ils font pas de menaces que des promesses. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. Une fois qu'on ramasse, on prend ta part en carto. Chez nous y'a des calibrés, des mestrines un peu partout. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. On parle tout ça, des choses qui nous concernent. Si on est propre talent, c'est grâce à l'argent moins sain. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. Une fois qu'on ramasse, on prend ta part en carto. Chez nous y'a des calibrés, des mestrines un peu partout. T'es en chien avant les banquettes, t'appelles, yes, ok, mais ferme ta gueule. On parle tout ça, des choses qui nous concernent. Si on est propre talent, c'est grâce à l'argent moins sain.